Vous êtes toujours bien sur Radio Panique, il est 20h38 très exactement, il est l'heure maintenant de démarrer ce memento. Ah, salam, je vous souhaite le bonsoir mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venue l'heure du memento. Bonsoir, soyez les bienvenus pour ce premier memento depuis très longtemps. On est super content de vous retrouver ce soir autour de la table. Nous sommes un très joli groupe. Il y a Nicolas, Asma, Corentin, peut-être Driss qui va nous rejoindre en cours d'émission et Charline. Et alors tous ensemble, eh bien, on va vous parler d'un très grand nom, de la pop, de la funk, du rock, du R&B et même de la guitare. Et oui, notre héros de ce soir était à la fois musicien, il jouait plus de 20 instruments, chanteur, auteur, producteur, bref, il faisait tout, tout seul sur ses albums. Des albums qu'il a vendus à près de 80 millions d'exemplaires. Alors, américain de naissance, son père était italien, sa mère était à moitié amérindienne, à moitié afro-américaine. Il a mixé toutes ses influences pour devenir un des grands monarques de la musique américaine. On le connaît pour des titres comme When Doves Cry, Sexy Motherfucker ou encore Purple Rain. Le memento hommage à Prince, c'est tout de suite sur Radio Panique. You will hit, cause you got the burn, cause I, yeah. It's your time, got the horns, why don't you blow it? It's your time, you feel. It's your time. You feel the cute, baby, you know it. Oh, cream, get on top. Cream, you will cut. Cream, don't you stop. Cream, trouble get by. You're so good, baby, think nobody better. Yeah, so you should have. You know I wrote this in while I was looking in the mirror, right? Mais avant de commencer à raconter, le micro est ouvert, c'est bon. Mais avant de commencer à raconter l'histoire de Prince, eh bien on est tout de suite sur les anecdotes du petit Nicolas. Eh bien oui, parce qu'en fait, Prince, eh bien, il mesurait qu'1m57. C'est petit, ok, peut-être, mais ça l'a quand même pas empêché de se taper Kim Basinger. Et ouais. Merci Nicolas. C'était vraiment très intéressant. Prince Rogers Nelson est né un beau jour de juin 1958 à Minneapolis. Prince, c'est son vrai prénom, est une référence au nom du groupe de son père, pianiste dans un trio de jazz, Prince Rogers Trio. Sa mère est-elle chanteuse de jazz et évidemment dans une famille de musiciens, son destin, eh bien, c'était qu'il compose à 7 ans son premier titre, Funk Machine. En 1973, il a 15 ans, il fonde son premier groupe où il joue du clavier et de la guitare. Et l'année suivante, il est engagé dans un groupe qui s'appelle Champagne. Et c'est grâce à ce groupe qu'il va commencer à faire des concerts, à avoir un petit succès. Et il s'associe alors au producteur Chris Moon et enregistre ses premières maquettes en solo, où il joue encore une fois tous les instruments. C'est à ce moment-là, avec son manager, que Prince se rajeunit de 2 ans pour plaire aux maisons de disques. Il se présente comme le nouveau Stevie Wonder et ça marche. Il décroche un contrat pour 3 albums avec une jolie avance de 180 000 $. Il a même réussi à négocier d'être son propre producteur, auteur, compositeur et interprète, ce qui en gros n'arrive jamais dans l'industrie du disque, surtout qu'à l'époque il n'a jamais que 18 ans. Et finalement, en 1978, il va sortir son premier album, For You, qu'il décrit comme du rhythm and blues synthétique avec plein de synthétiseurs du coup et de boîtes à rythme et autre chose assez froide. C'est un échec commercial, mais ça permet déjà d'avoir une bonne vision du style musical de Prince. On écoute donc Just As Long As We're Together. You can leave your own life and I'll live mine. Just as long as we're together. Vous êtes toujours sur Radio Panique. On est toujours dans le Memento spécial Prince. Ça c'était son premier album. Et on passe directement au troisième parce que le deuxième n'a pas beaucoup plus marché. Ça s'appelle Dirty Mind. Et oui, on est 2 ans plus tard en 1980 avec un changement de style musical total. On part dans quelque chose de beaucoup plus proche de la funk, plutôt minimaliste avec des touches de pop et de new wave. Et cette fois-ci, ça fonctionne. L'album reste pendant 31 semaines au classement des meilleures ventes d'albums aux États-Unis. Ben, le titre de cet album, comme disait Arthur, c'est Dirty Mind, qui veut dire esprit mal placé en anglais. Et ça parle beaucoup de sexe, d'inceste, d'adultère, bref, de ses petits fantasmes. Et pour continuer dans la provoque, eh bien, sur la pochette de cet album, il est en sous-vêtements, ce qui est pas mal osé à l'époque. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui ne marche pas avec tous les publics. Surtout quand il fait la première partie du concert des Rolling Stones où il se fait jeter de la bière à la gueule et où il se fait huer et il est obligé de terminer avant la fin. Mais quoi qu'il en soit, avec cet album, il a créé son propre style hyper sexuel qu'on lui reconnaîtra évidemment pendant tout le reste de sa carrière. Et pour suivre, on a choisi un petit morceau qui illustre bien ce côté sexuel, sexy motherfucker. Je vais trop vite. Juste avant de la... Enfin, juste, c'est que j'ai une petite anecdote. Je sais bien que voilà, c'est un peu mon job. Il a refusé, Prince, de collaborer avec Michael Jackson une fois sur la chanson Bad. Vous connaissez Bad, vous voyez ce que c'est. Hein. La première phrase, en fait, de l'album, c'était « Your butt is mine ». Donc, ton cul est moi, est mien. Et donc, il détestait la vulgarité, Prince. Et donc, il adorait parler de sexe, bien sûr, ça on le connaît, mais toujours avec classe. Donc, c'est pour ça qu'il a refusé de... Je reprends là où on était. On remet la chanson, c'était quoi ? Sexy Motherfucker. Sexy okay. Motherfucker. Pardon. Hein. You, I wanna do, no, not your body, your mind, your fool. Come here, baby, yeah. You sexy motherfucker. We're all alone in a villa on the Riviera. Got some friends on the south side. Out of all of your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the mostest. When it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's R.E.M. meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up off a hug and a kiss. Come here, babe. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, babe. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love. Being in charge of this, a life and the next. Why all the cosmic talk? I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Horn, stand up, please. Oh, motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. God, you folks are dead to dawn. The sexy motherfucker's so fine, I'll drink up bath water. A long lady, 5'8", packing an ass as tight as a grip. I want to spit my gear, I said to myself, just cuss. Cause I'm usually quite the calm one. You never find me a problem, boy, I'm just having fun. But I had to change my state of mind for this behind. I bet if you throw that ass in the air, it'll turn into sunshine. Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. Sexy motherfucker, shaking that ass, shaking that ass, shaking that ass. You sexy motherfucker. Sexy Motherfucker de Prince. Alors, bah, désolé pour le faux départ, hein, le faux départ de la musique, mais c'est parce que j'aime bien les anecdotes, il y en a, surtout celle sur Michael Jackson, surtout qu'en fait, qu'il y en a une deuxième. Parce qu'en fait, Prince, il adore jouer au ping-pong, là vous me direz, rien à voir avec Michael Jackson, sauf que. Mais un jour, Prince et Michael Jackson, vous voyez venir, eh ben, ils ont fait un match ensemble, ils enregistraient ensemble dans le même studio, et pour se détendre entre deux séances, et puis ils se sont dit, tiens, on ferait bien un petit match. Prince, eh bien, il met une grosse race à Michael Jackson, au point qu'il doit se protéger le visage, Michael Jackson donc, ne pas se manger une balle dans la gueule. Vexé, on s'en doute, petit égo quand même, Michael, mais il part avec son bodyguard, donc on se rend compte un petit peu de, voilà, de la jolie rivalité qu'il y avait entre les deux. Voilà, désolé encore. Et on dit merci à Nicolas pour ce petit extrait, cette petite anecdote qui va suivre avec un petit générique. C'était vraiment très intéressant. Eh bien justement Nicolas, en parlant de Michael Jackson, eh bien on va enchaîner avec cette année exceptionnelle qui a été 1984 où Prince a sorti la grosse bombe qui est Purple Rain, son album culte qui a été accompagné du film musical du même nom et dans lequel il jouait son propre rôle. Alors l'histoire de ce film, eh bien, c'est celle d'un jeune garçon, le Kid, qui n'est pas en super bon terme avec ses parents. Il n'a qu'une passion, la musique, et il s'y consacre à 100%. Il est fatigué de rester seul dans sa chambre et décide de monter son groupe, comme on a tous voulu le faire dans la fleur de notre adolescence. Et puis comme vous le savez, Prince est du genre plutôt atypique, du coup il galère à se faire accepter, mais il persévère. Et c'est lors de sa prestation de Purple Rain et de son incroyable performance et prestance scénique qu'il met toute la ville à ses pieds. L'entièreté de l'œuvre va vraiment propulser Prince au rang de superstar de la musique. Il sera aussi une influence considérable sur le plan médiatique et de la promotion d'artistes. D'ailleurs, l'album va tellement plaire que plein d'autres artistes vont en faire des reprises, dont Patti Smith avec When Doves Cry. If you will, the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Come on, darling, can you picture this? If you will, a courtyard, an ocean of violet so blue. Animals strike curious poses, they feel the heat between me and you. I've been drowsy, misfading, alone in a world. When Doves Cry, Patti Smith qui reprend Prince. Exactement. Et juste, parce qu'on voulait rester dans les reprises, hein, je pense, un truc avec M ou je sais pas quoi. Enfin bref, le truc c'est que j'aime bien les anecdotes, vous le savez. Et juste pour dire que Prince était témoin de Jéhovah, voilà. Donc de temps en temps, il allait chez les gens, il toquait, il disait qu'il était témoin de Jéhovah, voilà. On, voilà. On écoute M peut-être. M, il neige en avril, super. C'est une chanson qu'il a écrite, un peu inspirée de Purple Rain, en hommage. Mais j'en ai d'autres, hein, vous inquiétez pas. D'accord. En hommage à Prince quand il est mort. Ça va, ok. Et... hop, la magie de la musique qui reprend, qui descend, on est parti, c'est M. En fixant sa photo, son regard hypnotise. Alors qu'il est parti, soudain je réalise. Personne n'improvise comme le prince, personne. Je pleure toujours d'amour, jamais de douleur. Soudain, il neige en avril. Soudain, je me sens si mal, si mal. préférée, celle des amours solaires sous la pluie. Inconsolable, il reste la mélodie de Purple Rain. Tu chantes toujours d'amour pour sauver nos vies. Soudain il neige en avril. Soudain je me sens si mal, si mal. Même si je sais que ce prince est immortel, les plus belles choses sur terre sont éphémères. Sur ta guitare cosmique branchée dans l'univers, je t'entends jouer dans ce paradis d'enfer. Mathieu Chédid qui donne sa version de Purple Rain. Et justement, Purple Rain, le film, eh bien, c'était un énorme succès aux États-Unis, au point que dès le week-end de sa sortie, le film va détrôner Ghostbusters à la première place du box-office. Et ce film, Purple Rain, a également reçu l'Oscar de la meilleure musique de film en janvier 1985 et a valu à Prince un Grammy pour le meilleur album d'une bande originale de film. Mais que serait un film avec Prince sans les femmes de sa vie ? Et pour ce film, le rôle féminin principal devait d'abord être attribué à sa petite amie de l'époque qu'il a lâchée juste avant le début du tournage. Ensuite, le rôle a été proposé à Jennifer Beals, qui est l'héroïne de Flashdance, mais qui a décliné la proposition. Et c'est finalement la très connue Apollonia Cotero qui a finalement eu le rôle de la petite amie de Prince. Alors, personnellement, pour avoir vu ce film il y a un ou deux ans, et pour être tout à fait honnête, on peut pas dire que c'est un chef-d'œuvre cinématographique, sauf si vous êtes vraiment fan de l'esthétique un peu kitsch des années 80, mais... je trouve qu'il vaut quand même la peine, rien que pour la bande-son qui retrace vraiment l'album Purple Rain et dont on s'écoute tout de suite le morceau le plus emblématique. N'est-ce pas, Nico ? Merci. Purple rain.

Et c'était Purple Rain. Ce morceau était dédié à tous ceux qui ne connaissent qu'une chanson de Prince. Merci Nico. Et on va rester dans le domaine du cinéma avec la BO de Batman de Tim Burton. J'arrive, je finissais ma gorgée, honte à moi. Mais si tu veux, je peux parler du cinéma en fait, parce que aussi, en plus de faire la BO, il adorait les films d'animation et il adorait le film Le Monde de Nemo. Donc il passait apparemment en boucle dans son studio de musique. Et donc quand il organisait des soirées et qu'il trouvait que le DJ était un peu pourri, ça arrive à tout le monde, le mec qui met une musique, il trouve ça cool, puis il en trouve une autre cool, il en met une autre, il détestait ça évidemment. Alors il passait le film en plein milieu de la soirée sur un écran géant. Voilà, ça, bah, je te laisse. D'accord. Eh bien donc on est en 1989 et toujours dans le cinéma, puisque Prince se retrouve à faire la BO de Batman, le Batman de Tim Burton. Rien que ça. Et je me perds dans mon texte parce que j'ai improvisé, du coup c'est un peu compliqué. Et donc quoi, oui, ben bien Prince et Tim Burton se sont parfaitement trouvés pour dépeindre Gotham City, aussi lugubre et torturé que possible. On y retrouve Michael Keaton, le Batman, Kim Basinger et surtout Jack Nicholson en Joker qui est dans Dance with the Devil. Alors, cette BO a été enregistrée en 6 semaines. Et d'ailleurs, l'album qui viendra avec cette BO, qui a donc été enregistré en 6 semaines, il va marquer les esprits avec Bat Dance, et ça redonne la pêche à Prince qui avait été plombé par les échecs commerciaux, surtout celui de l'album précédent qui était Love Sexy. Et donc dans cette BO, on retiendra Bat Dance où on entend Jack Nicholson qui fait quand même plutôt peur. Oh, I got a live one here. Batman. Et on fait maintenant un bond dans le temps pour se retrouver en 2004 avec le grand retour de Prince avec l'album Musicology. Et oui, après une période un peu plus mitigée de plusieurs années, Prince revient avec cet album qui est une bouffée d'air frais pour lui, car il se place dans le top 5 de beaucoup de pays. Il est acclamé par la critique et puis surtout, il en vend plusieurs millions d'exemplaires. Prince, mais disons, tu peux y arriver. Prince reçoit même encore une fois 2 Grammy, dont la meilleure performance vocale et R&B traditionnelle. Il apparaît aussi aux côtés de notre cher Beyoncé national pendant la mi-temps du Super Bowl et est introduit au Rock and Roll Hall of Fame à Cleveland, dans l'État de l'Ohio. Pour l'ensemble de sa carrière, il se sent bien et ça s'entend dans cette écoute qu'on va faire maintenant de Musicology. Funky. Heard about the party now, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, let's see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me. Right in front of me. Oh, call it what you like. I'm a woman high beat. This is just another one of God's gifts. Musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Wait a minute, babe. Wish I had a dollar for every time you say. Don't you miss the feeling music gave you back in the day? Let's groove September. Earth, wind, and fire. Hot pants by James. Slides don't take you higher. Minor keys and drums to make a roller skate jam. Take your pick, turntable, or a band. Lord, if it ain't Chuck D, Jam Master, hey. You know what? They losing. Cause we got a PhD in advance. Body moving. Hey. Keep the body moving. Just like I told you. Kick the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Toc, toc, toc! Qui est là? C'est Mémé! Mémé qui? Memento! This is CNN Breaking News. And CNN has now confirmed that the artist Prince is dead. We're just getting confirmation earlier. Le 21 avril 2016, les fans apprennent la mort du chanteur comme une claque. Après 57 ans, dont 50 ans de création musicale et presque 100 millions d'albums vendus, il finit sa vie dans le studio mythique de Paisley Park. Dans l'ascenseur de sa résidence, celui qu'on surnomme The Artist meurt d'une overdose de fentanyl, un opiacé puissant qui engendre une forte dépendance physique et psychique, laissant des millions de fans désemparés. Le prince n'avait ni enfant ni testament. testament. Et voilà, cette mort accidentelle ouvre de violents conflits encore inachevés entre des dizaines d'héritiers potentiels. The Vault, une pièce sécurisée dans les studios de l'artiste, est encore remplie de trésors inédits. On parle notamment d'une collaboration entre Prince et Miles Davis. Mais là, tout de suite, c'est Sign of the Times. Prince, c'était un charmeur, un être aux mille facettes bourré de sex appeal, un artiste complet et hyperactif. Le magazine Rolling Stones l'a quand même défini comme l'artiste le plus productif de tous les temps. Et oui, quand même, avec plus de 40 albums à son actif, dont parfois des triples et quadruples albums, il mérite bien ce titre. C'était un homme inspiré et inspirant qui ne laissait jamais indifférent, qui brouillait les pistes, celui qu'on ne pouvait jamais vraiment mettre dans une case. Et durant cette émission, on a voulu vous donner un petit aperçu de son parcours, de l'étendue de l'héritage qu'il a laissé au monde après sa mort. Et enfin, pour terminer, j'aimerais dédier cette émission à Yael Dano, qui nous a elle aussi quitté il y a moins d'un mois et dont le seul artiste qui tournait en boucle dans son iPod était bien sûr Prince. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time. Thank you.